a fost cu explică. Micu nimic e pa publică. Pur asta côté de moi. Arrête, écoute, lundi la fée. Cette l'envie trouve nous malheureux. Séparés. Dis-moi où ça l'idée. Confiance que nous la fine crée. Depuis bon peu années, mon gâté. Où ça l'idée l'amour. On a nous faut tous les deux. S'il vous plaît, laisse pas dire on voulait. Si oui, à ma moi encore. Chérie, moi n'a pas la force pour expliquer où. Mi connais, mi gagne pas pour obliger où. Pour rester à côté de moi. T'écoute lundi la fée. Zoute l'envie trouve à nous malheureux. Séparés. Si on veut tout gâcher, mi supplie à ou réfléchir. N'est-ce pas lundi la fée détruire à nous. Écoute pas ban l'amphibé. Cette l'envie trouve à nous malheureux.